89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 24 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe qui arrive juste à l'heure. Hey, on a vu ça. Ouais, j'ai pogné toutes les rouges. Bon, ah okay. Non. J'habite sur Louis-Pinard, fait que j'en ai juste une, mais c'est une longue. Rouge. C'est une oui. Maudite rouge. Oui, puis ben, il fait frette hein, encore à matin. Ouais, ça s'améliore pas, notre. Non, mais ce qui est triste avec ça, c'est que j'habite tellement pas loin que mon char a même pas le temps de se réchauffer. C'est ça qui est triste. Ouais. Je quitte l'auto, puis ça commence à sortir de l'air chaud. Une chance que la radio a pas besoin d'être réchauffée. Heureusement, les gens peuvent tout de suite s'intoniser de 89 FM, c'est bon. Pourtant, tous les matins, on est en feu. Hey, on a chacun fait tout. Moi, j'ai dit que 89 FM, c'était chaud, c'est chaud. C'est comme une nouvelle station de radio, c'est chaud FM. Donc aujourd'hui, en ce jeudi matin, on continue notre janvier épique. Vous le savez, tout le mois de janvier, on a quelque chose de nouveau à tous les jours où Assemblage Rocky est en onde. Ça donne environ une quinzaine d'affaires de nouvelles ce mois-ci. Et notre case horaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Mais en fait, c'est une nouvelle vocation d'une chronique qui existe déjà. On vous en parlera en temps et lieu tantôt plus tard dans l'émission. Aussi, parmi nos chroniqueurs aujourd'hui, on a Maxime Bilodeau à 7h30, sa chronique d'une foulée à l'autre. Et j'imagine que tu veux savoir de quoi il nous parle aujourd'hui, toi? Ben oui. Le sport, c'est la santé, nous dit-il. En tout cas, presque toujours. En effet, il arrive parfois chez certains individus que le sport devienne une véritable dépendance, comme pourrait l'être la drogue, le jeu ou le tabagisme. Et à la manière de ces dernières, cette dépendance à l'activité physique que l'on nomme couramment bigorexie ou dysmorphie musculaire peut également mener à de fâcheuses conséquences sur la vie sociale, professionnelle et amoureuse. Sans parler bien sûr des innombrables problématiques de santé qui y sont reliées de près ou de loin. Le phénomène est tel que depuis l'année passée, il est même possible de diagnostiquer cliniquement cette forme de dépendance. Et cette semaine, dans le cadre d'une foulée à l'autre, on va faire un bref tour d'horizon, c'est-à-dire définition, enjeu, etc. de ce trouble inusité, mais bien réel. C'est à 7h30. À ne pas manquer? Ben non! Ben non! Ben non! Ensuite de ça, à 8h, on aura la chronique de Jasmine Raymond-Drainville qui va nous parler un petit peu des activités et actualités de l'AGEQTR. Et puis, on va discuter de politique avec François Landry et Logocratie 101 à 8h30. Encore chargé. Quelle belle émission. Tu peux pas demander mieux, là. Non. Tu peux demander mieux, mais tu l'auras pas. Et voilà, ça existe pas. Exactement. Puis c'est ça, on aura plein d'autres affaires à vous présenter. Par contre, on va débuter l'émission avec deux nouvelles entrées du palmarès francophone. Vous les entendez en primeur parce que les palmarès C'est fou sont diffusés les jeudis après-midi entre 15h et 18h. Oh, scoop! Scoop! Amenez Roy Dupuis, s'il vous plaît. Donc, on va entendre Tire le Coyote tantôt avec Chainsaw, mais on débute en 20e. Voici Saran Rap, c'est le nom du groupe. Avec Tomahawk. J'ai hâte d'écouter ça. Ah, je suis sur le bouton là quand tu veux. Tu me dis, tu fais le décompte à partir du chiffre que tu veux. 5, 3, 1, oh, go. Ouais, on dirait qu'il y a go dedans. Ça joue du Tomahawk, ça? Ah ouais. C'est un arme, c'est une petite ville dans le Wisconsin. Des Indiens, avec des esprits et des chamans. Ça n'a pas de sens. Nouvelles entrées du palmarès francophone. On vient entendre Tire le Coyote avec Chainsaw en 19e. On a aussi écouté Saran Rap avec Tomahawk. Ces deux pièces-là, je vais les mélanger. Ils ont des noms pareils. Ben oui, c'est pareil. Des mots en anglais. Hein? Oui, mais c'est francophone. Mais c'est francophone. C'est ça. Oui. Anecdote. Oui, anecdote eBay. Ouais. En fait, ça date un peu, mais j'avais envie de la compter ce matin puisque c'est ma montre que j'ai oubliée. Ce matin, t'as oublié ta montre, c'est ça? J'ai oublié ma montre. Que t'as acheté sur eBay. Sur eBay. Mais en fait, c'est ça, c'est une erreur. Puisque je cherchais un lecteur vinyle pour écouter des vinyles, puisque je commence à triper sur des vinyles. Voilà, vous savez tout sur moi. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Quand, ça n'a pas été long. Ben non, non, c'est ça. Je suis un homme simple, aimant les balades en montagne. Et puis, donc, c'est ça, je regarde Turntable sur eBay. Ouais. Et puis, bon, ben, je bon an, bon an. Finalement, je tombe sur une montre. Puis là, je fais, ah, ben voyons, qu'est-ce que ça fait là, ça, Turntable, une montre. Il n'y a même pas de mot proche de ça. Non, c'est ça, mais c'est une marque. C'est une marque à Hong Kong, une montre, ouais. Donc là, je regarde la montre, puis je fais, ben là, c'est dommage qu'elle soit pas là, puisque, tu sais, ça gâche comme le punch pour toi, mais pour les auditeurs, c'est pas grave. Si je tape Turntable, Monter. Oui, sur eBay, tu vas sûrement trouver. En fait, c'est, il n'y a pas d'aiguille. Il n'y a qu'une ligne rouge sur le cadran en vitre, et puis c'est les chiffres qui tournent. Ah. Donc c'est comme trois disques superposés, donc les chiffres tournent, et puis pour lire l'heure, ben, faut que tu suives la ligne rouge. Eh ben. Et puis, bon, ben, c'est ça, là, je la trouvais quand même sympathique, et puis ça faisait un petit bout que j'avais pas magasiné sur eBay. Et puis là, bon, tu sais, je fais, ah, il y a 99 cents. Bon, j'ai cliqué sur le truc là, qui dit achat. Buy it now! Oui, c'est ça. Puis là, je le fais, puis là, ça dit rentrer un montant. Je fais, hey, là, une pièce, regarde ça. Et puis finalement, il restait que 30 secondes. Okay. Et puis je l'ai gagné. Oh! J'ai été obligé de payer 9$ de shipping. Oh! Ah, ben, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Mais c'est ça. En tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs montres de ce type. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'étais dans la lune ce matin ou cet après-midi-là. Je me souviens plus. Et puis, j'ai acheté une montre à mon insu. Mais là, tu ne la regrettes pas, là. Non, elle marche bien. D'accord. Et c'était un achat judicieux, puisqu'à 1$, je n'ai pas payé de frais de douane. C'est merveilleux. Hey, les maudites douanes. Hein. Je pense que j'ai un paquet pris aux douanes depuis comme 2 semaines. Ça n'a pas d'allure. Oui. Des tasses à café, c'est comme ça. On veut avoir nos tasses à café pour déjeuner, s'il vous plaît. Ben oui, c'est ça, s'il vous plaît. Quand ça vous tente. Je peux pas boire mon café. Puis si on fait référence à l'émission de lundi, ceux qui étaient à l'écoute avec nous se rappellent peut-être de la tuque. On va en parler peut-être plus tard de ta tuque. Ah, ben oui, après une petite musique. Une petite musique. De format. Ben oui. Garder le suspense. Ouais, avant de passer en musique, par contre, ça tente-tu qu'on fasse cet effet? Ben oui. Parce que j'ai peur de mon plan si jamais on fait pas cet effet tout de suite. Donc voici la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et Jean-Philippe, j'espère t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Ben, tu me vois sortir papier-crayon. OK, il prend des notes. Je prends des notes. C'est toi qui vas composer les questions pour te poser tes propres questions à la fin. Oui, OK. Donc, commençons par... Je vais vraiment essayer de faire des faits que j'ai pas fait avant. Donc, au départ, quand on a créé Le Roi Lion, les producteurs chez Disney ont dit « Je sais pas qui va vouloir regarder ce film-là. » Il y a personne qui va vouloir regarder un film sur les lions. Ah oui? Tu sais? Peut-être qu'ils ont mal vu la chose, mais ils ont laissé faire quand même. Environ 90% de la population du monde entier a un nombril à l'intérieur. Donc, tu sais, un nini, alors que tu peux avoir un outie, un nombril qui sort, c'est seulement 10% des gens. C'est très rare. Moi, je fais partie du 90. Ben, moi aussi. Oh, hey, on est normaux ici. On n'est pas des freaks partout. Hey, non. Peut-être pour d'autres choses. Pour perdre une livre de gras, une personne moyenne va devoir brûler environ 3500 calories. Mm. C'est beaucoup, ça. Ton corps contient assez de fer pour produire un clou de 3 pouces de long. Uh-huh, pour les fans de X-Men. Oh! Je pensais à dire faut le faire. Oui. C'est pas bien. À chaque seconde, les Américains ramassent environ consomment environ 100 livres de chocolat. Les Américains, 100 livres de chocolat par seconde si on met tout le monde dans le même paquet. Beaucoup de chocolat. Pour décourager la nécrophilie, tu sais ce qu'est la nécrophilie? En Égypte, dans le temps, okay, on laissait les corps des belles femmes là, se décomposer pendant environ 4 jours avant de les, comment t'appelles ça, embaumer? Oui. 4 jours, pour qu'elles soient moins cute. Ben, une fois embaumées, on les voit plus, il me semble, non? Ben, les jeunes veulent le faire quand même, même s'ils étaient embaumés. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, c'est des spéciaux. La nécrophilie a changé. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est tellement simple, ils ont l'air vrai. On a l'air vivant. À chaque 20 minutes, 1 851 000 statues sont mises à jour sur Facebook. Chaque 20 minutes. Je sais pas pourquoi on divise ça par tranche de 20 minutes. Il aurait pu dire par minute, il y en a, ça aurait été plus impressionnant encore. Oui, quand même. Bon, 1 851 000. L'utilisateur moyen d'Internet regarde 186 vidéos par mois. Toutes longueurs confondues? Toutes longueurs, tous les styles, que ce soit web télé, vidéos de petits chats. Ah, les petits chats. Les petits chats. Ça prendrait à une personne 1700 ans pour regarder chaque vidéo sur YouTube en ce moment. Mm. Et tu t'en sortiras. Faut s'atteler. faut pas avoir le... Sattelé. Sattelé! Ouais. C'est ton cheval! Ouais, c'est moi. Voilà, avec les accents. À la bonne place. Ouais, par la marine! Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Oui, moi, je suis un complétiste dans la vie. J'ai un petit peu la maladie, le syndrome du complétisme. Quand je me mets à regarder quelque chose, mettons une série télé, je vais devoir regarder tout ce qui a été fait autour de ça, même si c'est une série dérivée ou un film qui a rapport avec ça. Mais tu sais, faudrait pas que je sois complétiste sur YouTube. Ça serait pas... C'est sans fin. Je serais mal parti. Je serais mal entelé. Oh! Les chercheurs allemands disent que les risques d'une attaque cardiaque de n'importe qui, OK, les risques sont plus élevés les lundis. Ah. Lundi, le stress commence. Tu viens de passer ta fin de semaine à... mal manger. À manger des mauvaises choses qui vont te donner une attaque cardiaque. Tout ça, c'est à cause du Super Bowl qui est le dimanche. Oh non, Super Bowl! Ça doit être à cause de ça. Ça doit être. Le plus grand nombre de messages textes envoyés par une seule personne en un mois est de 182 689. En un mois. Ouais. Par une personne. J'espère qu'il n'a pas tout envoyé à la même. Non. Ah, méchant obsédé, celui-là. Oui. Puis il doit avoir de la corne sur ses pouces. Ouais. La personne, ça ne dit même pas. L'utilisateur de Facebook moyen a environ 130 amis. Je suis au-dessus de ça pas mal. Ouais. Je crois pas. Tellement supérieur à ça. Ben, c'est ça, mais c'est pas des amis. Ben non. Des connaissances. Ben, ça dépend. Est-ce que, tu sais, ouais, 130 amis, ça veut dire 130 personnes avec qui t'es connecté, j'imagine, ouais, littéralement. Ça précise pas 130 amis pis un paquet de marques. Puis souvent, oui, c'est ça, souvent, t'as même des gens que tu veux rien savoir d'eux. T'es accepté pareil, parce que c'est le fun d'avoir un ami de plus, non? Ben oui. Tu veux battre le record? l'œil humain peut détecter 10 millions de couleurs, ou de teintes de couleurs différentes. Les chats peuvent pas voir ce qu'il y a en dessous de leur propre nez. Mais en même temps, moi non plus. Ah, un petit peu, peut-être un petit peu la bouche. Moi, j'ai un gros nez, puis je peux le voir pareil. Ouais. Tu sais. Hein? Moi, j'ai peur de rester coincé. Ils m'ont toujours dit ça au primaire. Ah, pour vrai? Si tu louches, tu vas rester coincé. Ah, ben, ben. J'étais un petit coquin. Ah, pas, ça paraît. Le Jell-O. Jell-O. Ils ont déjà fait la compagnie Jell-O. Jell-O au céleri, au café, à la liqueur brune, aux pommes et au chocolat. Du Jell-O au chocolat. Mm. Pas la mousse au chocolat. Non, non, non. Ça existe, c'est bon. Du Jell-O, de la gélatine. Notez que la compagnie n'a pas fait faillite. McDonald's utilise du phosphate de sodium. Je sais pas si on dit comme ça en français, mais c'est un laxatif dans leur crémette. C'est la petite crème pour le café, apparemment. Ça explique bien les choses. Et oui, oui. Donc, c'est pas la nourriture le problème, c'est le café. C'est le café. Il y a une condition qu'on appelle l'effet Tetris. Tu peux t'imaginer ce que ça veut dire? Oui. C'est quand tu commences à avoir des formes de Tetris partout quand tu joues pas au jeu. Je sais pas si maintenant, il y a aussi un effet Angry Birds, parce que c'est pas mal la même chose. Ouais, peut-être. Tous les puzzles, hein. Hey, lui, là, je l'amènerais dans ce tour-là. la dyscalculia, c'est un terme technique pour la dyslexie des mathématiques. Tu sais, je pensais avoir ça. Peut-être que ça vient confirmer ce que je pense. Mais ça fait quoi? Les chiffres, tu sais. Ah, OK. Mais j'imagine que c'est un peu comme la dyslexie des lettres. Je ne suis pas allé voir l'explication. Mais j'imagine que tu as le chiffre, je sais pas, 187, tu vas retenir 718, mettons. Oh, ça m'arrive souvent. Dans un numéro de téléphone, j'échange les chiffres. Mais bon, je pense que tout le monde a un petit peu de dyslexie. Tout le monde t'aimait tellement quand t'étais caissier. Ah, ouais. chaque soir après la fermeture, non, celui-là, on l'a déjà fait. Comment ça? Non, ça marche pas, ça. Les jellyfish. Comment t'appelles ça, un jellyfish? Poisson gelé. Ouais, non, c'est pas des méduses. Je pense que oui. Mais les méduses et les homards sont considérés biologiquement immortels. Ça veut dire qu'ils ne vieillissent pas et qu'ils ne mourront jamais à moins qu'on les tue. Oh. Tu vois, intéressant, je savais pas ça. Pourtant, j'en ai tellement déjà vu sur le bord de la plage. Ouais. Effoiré, séché. Ouais, mais foiré, hein. Ouais. Il a été foiré, ils sont pas morts, ouais, naturellement. Savais-tu d'ailleurs que c'est un fait? Oh! Les méduses n'ont pas de cerveau. En fait, ça fait absolument rien. Ça ne fait que vivre. Wow! Les étoiles de mer ont un cerveau, hein? C'est ça? Non. En fait, je pense que je viens de me tromper. C'est les étoiles de mer qui n'ont pas de cerveau. Mais tu t'es mis du contenu pas prouvé, non? Non, c'est... Il y en a plein qui sont fous d'aimer, je suis sûr. Je vais me renseigner. D'accord, on vient là-dessus. Lundi. Les requins et les raies sont les seuls animaux qui ne peuvent pas avoir de cancer. Surtout parce qu'ils n'ont pas d'os, mais seulement du cartilage. Arrête, oh, donc. Ah! un autre animal que je n'ai pas traduit, on s'en va par-dessus. Il y a encore deux endroits aux États-Unis où ils reçoivent leur courrier livré par des mules. L'animal, la mule. Les alligators peuvent vivre sans nourriture pendant 3 ans. Oh! Mm-hmm. Alice au Pays des Merveilles a été bannie en Chine parce que le gouvernement croyait que l'idée d'avoir des animaux qui parlaient, c'était une insulte envers les humains. Ouais. Les fusils de paintball. Voilà. À l'origine, ils étaient utilisés par les fermiers pour marquer leurs bêtes. Oh! Ouais, non, mais c'est une bonne chose. On parlait de cheerleading dans une récente chronique, c'est un fait. 97% des cheerleaders sont des femmes. Par contre, presque 50% des cheerleaders au niveau collégial sont des garçons, des hommes. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce niveau? Je sais pas. D'ailleurs, on disait que le cheerleading a commencé, au départ, c'était seulement des hommes. Le cheerleading, à la base, c'était un sport d'hommes. Mm-hmm. Les arbitres, de la Ligue majeure de baseball doivent porter des sous-vêtements noirs lorsqu'ils sont au travail au cas où que leurs pantalons déchireraient. Oh! Oh! Pas une bonne chose. Ben, ça serait drôle. Ben oui, vraiment. Il faudrait une compilation YouTube de ça. Oui. La chance de faire... tes chances, OK, de faire deux trous d'un coup dans une ronde de golf, deux trous d'un coup dans la même ronde, sont de 1 sur 67 millions. Ah, il faut en parler à Carl Carmoni. Carl Carmoni, c'est quel ça là déjà? Lui, c'est l'ancien joueur vedette de mini-golf à RDS. Du mini-golf, est-ce que ça compte vraiment? Ben, faudrait voir. Et, tiens, bon, je voulais le trouver quand même. Là. Un wombat, c'est quoi? C'est un animal, ça, wombat, mais en français, qu'est-ce qu'on dit comme mot exact, wombat? Ben, je pense que ça existe en français aussi. Marsupial d'Australie, herbivore de la famille des Phascolomidae. Mm-hmm. C'est un mot anglais qui date de 1798 et emprunté à la langue australienne. Et donc, ça pour c'est genre, un genre de possum? C'est un genre... Ouais, un genre de possum qui ressemble quasiment à un genre de mélange entre un castor et une marmotte. Bizarre. Mais bref, un wombat, le kika, les excréments, ce qui sort, là, oui, est carré. Oh, il fait des petits cubes. Des petits cubes! Oh. Ben, j'avoue que s'il est en 3D, c'est un cube. C'est un carré, ça fait juste une flaque. Ça fait une flaque. De carré. Ah, fuck! Et finalement, tiens, un autre animal, parce que là, je prends soin de vous et je cherche les termes que j'aurais dû chercher avant l'émission, mais ce qu'on appelle un honey badger, c'est un autre animal, honey badger, traduction en français, il n'y en a pas, mais en tout cas, bref, c'est un animal, et ça dit qu'il peut se retourner à l'intérieur de sa propre peau. Il se tourne lui-même dans sa propre peau, ce qui est un mécanisme de défense lorsqu'il est attaqué par derrière. Il se tourne dans sa peau. OK. C'est comme une tuque réversible, finalement. C'est ça, comme une tuque. Je me demande s'il y a une paire d'écouteurs dedans. Non, je sais pas. Comme la tienne. Oh! Voilà pour C'est un fait pour aujourd'hui. Cool. Ça a bien été, on est passé au travers. Oui, puis on a appris plein de choses. Pas mal. Oui. On s'en entend du Olinéa. Ah oui. Vieil extrait que tu nous apportes aujourd'hui de Olinéa. On sait qu'ils ont pénétré de nouveau le palmarès avec la pièce L'Échiquier, mais on retourne en arrière. Oui, on retourne un peu en arrière avec leur avant-dernier album, finalement, avec... c'est ça, j'avais envie d'entendre La feinte au trépas. C'est La feinte ou Une feinte au trépas? Une feinte au trépas. Chanson que j'aime bien, puis je trouve que ça fait matin. Ça fait matin. Bon, on y va, Assemblage Requis. Puis on revient tantôt. Pardon? Je disais qu'on allait revenir tantôt avec Maxime Bilodeau, mais j'avais pas réalisé qu'il parlait, qu'il chantait dessus. Ah, ben oui, ça part vite, ça. Ça fait un beau moment. Ah oui. Oh, c'est cute. Coquin. Ben, repartir, va. OK. Le monde à l'endroit, la tête en haut, les pieds en bas. Une feinte au trépas pour déjouer le scénario. La caméra. Pour voir de plus bas, pour trébucher une dernière fois, un dernier saut. Pour sentir le vent qui siffle plus fort que t'entends et qui en saut. Sans pardonner. We'll be right back. Au retour, on parle de dépendance au sport avec Maxime Bilodeau et d'une foulée à l'autre. Ça va être bon, je pense. Ouais. Ça va être très bon. Moi, je vais mettre mon petit élastique sur le bord de mon bras. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Et là, il est 7h29, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Jean-Philippe. Philippe Allou. Ben oui. La bouche a dérapé. Ah, j'avais un poil de chat dans la bouche tantôt. Je sais pas comment c'est. Comment ça s'est ramassé là. Ouais. Ouais. Encore les chats. Tout le temps les chats. Tout revient aux chats. Ah, c'est vrai, j'oubliais. C'est toi qui parle tout le temps, qu'on parle tout le temps de chats. C'est juste avec toi. Il y a tout le temps des chats. Il y a un complot. Il y a un complot, je suis convaincu. Manigance. Oh, Manuel Urtubise, toi. Oui. Oui. OK. Voici d'une foulée à l'autre. Maxime Bilodeau qui se met en transe. Ah, je suis possédé, là. Je suis possédé. J'ai même de la lévité bientôt, là. Ouais. J'avais jamais vu ça auparavant. il l'a dit lui-même. Ouais. Ouais. Donc, Maxime Bilodeau qui nous parle de dépendance au sport aujourd'hui. Tu m'as demandé tantôt, tu m'as dit si jamais je réussis à créer une dépendance au sport chez toi. Ah, si dans 10 ans je te revois et tu es dépendant au sport, là, je me demandais ce qui s'est passé, en fait. Mais moi, je pense que c'est une mesure préventive de ne pas faire de sport. Et voilà. Je me dis, je veux pas tomber en faire de la drogue, de la dépendance au sport. Donc, passer au canal D, là, ouais. Ça ne tente pas. Là. Le canal E. Donc, j'en fais pas le sport. Bon, c'est demain. Il a réglé le problème. Oui. Mais cette chronique n'est pas à mon sujet. Donc, non, effectivement, elle n'est pas à mon sujet. En fait, là, si on prend le sujet à la base, là, il est vraiment pas jojo. Une dépendance, c'est jamais le fun de parler de ça. Mais je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Culture générale. Mm-hmm. Parce que probablement que bon, si vous voulez l'éviter dans le milieu sportif, probablement que vous en connaissez du monde qui vont un peu correspondre au portrait que je vais en faire ce matin. Donc, la bigorexie, c'est ça, dans le fond, la dépendance au sport. C'est vraiment le terme qu'on donne. Donc, quand le sport n'est pas santé. J'aimerais commencer dans une petite citation, dans le fond. On dit que c'est la dose qui fait le poison. Pis c'est Paracels qui a dit ça au 16e siècle. Paracels, c'est le précurseur de la toxicologie. Justement, c'est la dose qui fait le poison et un peu quelque chose d'universel. On peut prendre une maxime, si on veut. C'est comme dire, dans le fond, que tout est correct en modération. Et voilà, que trop d'une chose ou trop d'une bonne chose ben, peut mener à une mauvaise chose. C'est un peu ici le principe. Je trouve que ça s'applique très bien ici au concept du sport parce que le sport, l'activité physique, à la base, ben, c'est quelque chose de santé. Mm-hmm. Veux, veux pas, socialement, c'est bien vu. Je vais faire un petit parallèle ici. C'est comme l'anorexie. Moins manger, être mince et svelte, c'est quelque chose de bien vu en société, sauf que c'est parfois quelque chose, et souvent quelque chose qui cache beaucoup de troubles, qui cache beaucoup de détresse. Exact. Donc, bigorexie, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'étymologie un peu du mot, c'est « big », c'est un terme anglais, premièrement, donc c'est pour « big », qui est grand, et « orexie », qui fait référence au désir, donc « désir d'être grand ». C'est pourquoi on l'appelle également chez les hommes la dysmorphie musculaire. Dysmorphie musculaire, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, dysmorphie, c'est juste le fait de ne pas se voir comme on est. Et musculaire, ici, va faire référence aux muscles. Donc, la bigorexie, qui est quelque chose de répandu chez les hommes, va justement faire que les hommes vont pas se voir comme assez musclés, assez. Quand tu te regardes, tu crois pas assez. Et voilà. Tantôt, je vais faire référence à qui est atteint de ça. Probablement que vous allez vite allumer, c'est qui peut être atteint de ça. Arnold! Ah, ouais, ça pourrait être. Ça. En fait, c'est. Pas de scoop, là. Jean-Philippe, c'est toi, c'est ça? Ben oui. Je bench 400. C'est son petit âge gentil, puis ça, il bench 400. Donc, dans le fond, c'est un peu les douchebags. C'est la culture douchebag. Il y a pas d'occupation double. T'allais pas préciser une personne. Toi, c'était l'ensemble de la population que tu veux te mettre à dos. je leur en veux pas. Pis c'est pas tout le monde qui est de même. Sauf que vous allez voir que le portrait que je vais faire, ça peut faire facilement référence à eux. Puis écoute pas, c'est fou. Fait que tu peux pas les insulter. De toute façon. Effectivement, ils sont en train de dormir ou ils sont justement en train de bencher 400. Oui. Ils écoutent la musique de Dance Floor aussi. également. Donc, se considérer, ben, dans le fond, c'est comme je vous dis, c'est une dépendance pathologique au sport, à l'entraînement. Un peu comme justement le tabac, la drogue, le jeu. Donc, c'est vraiment des dépendances avec des chemins nerveux qui sont un peu pareils. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on dirait que les endorphines, donc tout ce qui est ce qu'on appelle les opioïdes endogènes, tout ce qui est la morphine qu'on produit nous-mêmes, qui nous donne la sensation de bien-être, serait impliqué justement dans les voies de dépendance. Donc, un peu comme je vous dis pour le tabac et tout. C'est un comportement qui est considéré comme une névrose, donc en opposé à une psychose. Donc, dans le fond, les gens en sont conscients. Les gens ne sont pas dans une lubie, ni décrocher la réalité. Dans le déni, voilà. c'est reconnu par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement, ce n'est pas encore dans le DSM. Prochaine édition du DSM, la cinquième. Donc, la DSM, qu'est-ce que c'est? C'est le diagnostic santé statistique manuel de, je pense, l'Association de psychiatrie américaine. Donc, c'est un peu, c'est la Bible des troubles mentaux. Tout ce qui est psychiatre et tout réfère à ça pour la prescription. La bigorexie ne fera pas partie de la prochaine édition qui est à venir, je pense, bien cette année ou l'année prochaine. OK. Donc, ça se reconnaît par quoi, la bigorexie? Ben, c'est le besoin vraiment compulsif de s'entraîner beaucoup, longtemps et intensément. Donc, le volume, l'intensité et la fréquence d'entraînement. Donc, comme je disais, ça fait référence à la récompense, justement, les endorphines. Pourquoi on sait ça? C'est que, ben, je suis tombé dans mes recherches, quelque chose de très intéressant. Il y a une autre dépendance qui s'appelle la dépendance, on appelle ça la tanorexie. Qu'est-ce que la tanorexie? C'est la dépendance au bronzage. Là, vous allez me dire. Tan. C'est donc bien twisté. C'est donc bien. C'est donc bien bizarre comme dépendance. Il veut l'avoir l'air d'un divan. Oui, voilà. Et voilà. Avoir l'air d'un homard. Tanorexie, c'est seulement pour le bronzage avec des lampes et non pas genre le spray tanning? Pas nécessairement le spray tanning. Okay, vraiment, okay, le bronzage, le soleil. Pourquoi je parle de ça? C'est que c'est juste que quand on étudie les tanorexiques, on se rend compte que c'est quand eux sont bronzés, ils ont une sécrétion d'endorphine. Puis c'est pour ça que c'est comme ça que ça devient une dépendance. Je soupçonne Youpi. Youpi, pourquoi lui, pas? Lui, l'orexie, la poilorexie, là, il aime ça avoir le plus de poils possible. La canasiorexie, mais. Ouais. Donc, dans le fond, c'est la vie et penser en fonction de l'entraînement pour la bigorexie. Donc, c'est tout ce qui est la structure, tout ce qui est alimentation. Alimentation, je vais revenir parce que c'est très important. Le sommeil, la récupération, les étirements, donc tous les à côté. Et penser en fonction justement de l'entraînement. Également, un autre trait distinctif, c'est la perception faussée de soi, comme je disais tantôt, le dysmorphisme, la rigidité comportementale, donc les gens sont dans une routine et sont pris dans la routine, ne peuvent pas s'en sortir. Une vie très typée, donc je m'entraîne à telle heure, plusieurs fois par jour. Des symptômes de manque, ça c'est très caractéristique aussi, dans le sens que si on leur prise de leur dada, c'est ils vont être irritables, ils vont faire des sauts d'humeur, ils vont avoir des affects négatifs, donc ils vont vraiment mal vivre le fait de ne pas pouvoir s'entraîner. Ils se différencient un peu de leurs collègues qui sont sains, du monde qui ne sont pas atteints de bigorexie, dans le fond, d'autres athlètes qui ne sont pas atteints de ça. Sains d'esprit. Voilà. Les normaux. Parce que des fois, dans certains sports, ça peut être difficile de différencier un peu ça, parce que veux pas, il y a des volumes d'entraînement extraordinaires, il y a des athlètes qui s'entraînent beaucoup, donc où qu'on met la barre par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment la démesure et le déséquilibre qui règne dans leur programme d'entraînement. Si on regardait leur programme d'entraînement, leur cédule, on se rend compte qu'ils ne sont pas capables de se contrôler. Il y a vraiment une compulsion que, comme je disais tantôt pour le volume et tout, même si, mettons, leur coach va leur dire de faire tel entraînement, ben, ils ne vont pas respecter ça. Donc, c'est vraiment une démesure, c'est vraiment comme ça qu'ils se démarquent dans tout ce qui est objectifs, tout ce qui est la récupération. Les conséquences de la bigorexie, parce qu'il y en a, c'est sur la vie professionnelle. Donc, les gens vont préférer s'entraîner que d'aller travailler, étudier également. La vie sociale également, ils vont être coupés de leurs liens sociaux, de leur réseau d'amis, dans le fond. Également des conséquences personnelles, donc sur la vie amoureuse également, qui va avoir des grandes conséquences. À moins que les deux, des fois, ils peuvent avoir deux personnes qui se trouvent comme ça, qui sont tous les deux bigorexiques. Bigorexique, voilà. Donc, tu fais la ça peut faire un beau couple, un couple très, très fait très drôle. Freak! À la place de, on va le dire normalement, à la place de baiser, ben eux, ils vont s'entraîner. Ils vont s'entraîner face à face, ils vont y avoir un certain contact. Ils vont avoir une. C'est comme par tantrisme. J'imagine, ça doit être très drôle. Je sais pas. Il faut qu'ils pratiquent le même sport, par contre. Ouais. C'est également des conséquences pour la santé. Donc, ils sont dans un état chronique de surentraînement, en fait, les bigorexiques. Qu'est-ce que le surentraînement? Ben, c'est quand on ne permet pas à son corps de s'adapter. On est tout le temps dans un processus de, en fait, on devrait viser une surcompensation pour justement s'adapter, devenir meilleur et tout, mais ce processus-là ne se fait pas. Donc, tout le temps des maladies infectieuses, ils sont tout le temps malades, ils ont tout le temps des rhumes. Des blessures chroniques également, ils sont tout le temps blessés. C'est aux muscles, aux muscles, et voilà, puis aux articulations. Ouais. Une usure prématurée de tout ce qui est articulation. Donc, ça va être les hits, les hausses, etc., etc. Tout ce qui est des carences également nutritionnelles, donc en fer, en calcium, etc., etc. Puis là ici je le mets un petit peu en parenthèse parce que je suis pas Claude Poirier là, mais ça peut mener jusqu'à la mort. Oh, la mort. Apprendre avec une pincette ici par contre. Également tout ce qui est le dopage, ça peut mener jusqu'à prendre des produits ergogéniques qu'on appelle, donc des produits pour améliorer la performance. Poudre. La petite poudre, la petite poudre de protéines justement. Il y a des magasins de tout ça, je veux dire une boutique où il y a juste de la poudre là. Oui, c'est très impressionnant quand tu vas aux États-Unis, il y en a ici au Canada. Mais c'est rien comparé à celle qu'on trouve. Ah, ça, celui qu'on a à Trois-Rivières, c'est un mètre cube, là, tu sais. Ouais, voilà. Mais tu vas aux États-Unis, là, puis c'est comme des Walmart de poudre. C'est fou. Ils ouvrent tout le temps à côté du centre d'entraînement. Tout le temps. Ils sont forts. Ils sont forts en marketing. Curieuse coïncidence. Oui. J'aurais même pas pensé moi-même. Hein. Donc, les petites poudres de protéines, ça peut avoir des effets pour la santé. Veux pas, c'est quand on prend trop de ça, on a besoin d'un certain apport journalier de protéines. Sauf que quand cet apport-là est dépassé, ben, c'est nos reins qui mangent le coup. Donc, on hypothèque nos reins. Ça, ben, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Ah, c'est comme quand t'as la gueule gelée avec la température. Là, me disais ça en m'en venant tout à l'heure. Est-ce que j'étais capable de parler? La bouche veut pas, on dirait. La caféine également. Donc, trop de caféine peut mener à faire des... je dis même, ça peut mener à des attaques cardiaques. En fait, c'est un peu le même principe. Ce qu'on peut voir avec ceux-là qui meurent de boissons énergisantes. Ouais. Également, les stéroïdes. Je sais pas si vous avez pogné ça il y a quelques temps. Je pense que c'était un dossier dans la presse. Sur, justement, les consommateurs de stéroïdes, la culture derrière ça, la facilité de se procurer ça et tout. Moi, ça m'avait beaucoup impressionné et ça m'avait allumé beaucoup de cloches parce que je me disais que, dans le fond, ça correspondait probablement au profil type du bigorexique dans le sens que adepte de l'entraînement, adepte de leur corps, très, très consciencieux de tout ça. Donc, porté à aller vers la consommation de stéroïdes. Une chance que c'était dans la presse, ça avait été dans le Journal de Montréal, il aurait vraiment drogué un de leurs journalistes pour voir comment c'est vraiment. Probablement. Prendre des photos. Les connaisseurs, ils auraient fait une enquête, puis ils auraient mis une carte de Montréal, genre, puis là, voici bigorexique à telle rue, telle rue. Ils auraient fait ça pour la pédophilie. J'ai vraiment pas compris. C'est un manque flagrant d'éthique, je pense, qu'on appelle ça. Peu importe, ces Québécois, ils ont le droit. Donc, c'est qui s'est atteint par la bigorexie? Bon, on pourrait penser que c'est les athlètes professionnels. Oui. Effectivement, c'est pas tous les athlètes professionnels. Moi, je pense sincèrement que dans la carrière d'un athlète, si l'athlète ne fait que du sport, oui, il va avoir une plus grande tendance à développer ça. Par contre, s'il est amené à développer d'autres arcs à son, d'autres cordes à son arc, dans le fond, à quelque part, il va être un peu moins tendance à avoir à développer ça. Ça fait un peu référence au concept de l'identité. Donc, s'il est capable de s'identifier à d'autres choses que juste son entraînement, moi, je dis ça de même, là. Je soupçonne un peu Lance Armstrong de peut-être qu'il blaye. Un peu à côté. Ses supposées excuses et tout, il veut revenir à la compétition. Vous avez suivi un peu la saga comme moi, oui. J'imagine. Dans le fond, c'est un peu ça. Il est accro, il est junkie à son sport, puis il peut pas s'en passer. Donc, c'est vraiment, il ne sait faire que ça, Armstrong, dans le fond, s'entraîner. Son retour en 2008-2009 était. C'est un peu ça aussi également, là. C'était beau à Oprah quand il a laissé tomber une petite larme, Strong. Il a pas pleuré, le moment où il parlait de son fils, puis il était. Tu sais, pendant toute l'entrevue. Il se faisait à la tête bizarre. Pendant toute l'entrevue, entre vous et moi, là, il regardait à gauche, à droite, il essayait de pogner des. On sait pas ce qu'il chassait, en tout cas, moi, je sais pas ce qu'il regardait. Mais moi, je suis dans le studio. Mais, peut-être, probablement. Mais quand il parlait de son fils, c'était encore pire, là. C'était fou. Le monde ne voit pas, mais je suis en train de tourner la tête comme un Mongol. Comme je vous dis, ça peut atteindre les athlètes professionnels, mais ça peut surtout atteindre les athlètes qui sont amateurs, qui ne font pas du sport leur vie. Donc, je parlais de douchebag tantôt, c'était vraiment cette culture-là. Et les douche-baguettes, il ne faudrait pas oublier leur les douche-baguettes, et voilà, on parle de bigorexie, de dysmorphie musculaire, mais ça peut également atteindre les demoiselles. Si ça va être, bon, justement, dans les gyms, ça va être surtout des jeunes hommes, à ce que j'ai lu, dans la vingtaine, pour qui la grosseur des biceps est socialement importante, je dirais. Ils font des chandails, j'imagine, exprès pour ça, là, parce que je veux dire, c'est pas dans un chandail normal. Le col en V, là. Le fameux V-neck. Ed Hardy. Oui. Donc, et voilà, un beau truc avec les cols en V, quand il y a les pins qui ressortent, c'est un signe de consommation de stéroïdes. Ah, ok, bon. Je dis ça de même. C'est pas aussi. Faites pas trop de liens de cause à effet rapidement, mais ça pourrait faire penser à ça. Surtout avec le fret qu'il fait. Effectivement. On pourrait se méprendre. Je fais de douchebag sans le savoir. C'est ça. T'es douchebag juste quand il fait moins 40. C'est ça. Et voilà. Ça peut également atteindre. Moi, personnellement, je soupçonne les triathloniens. D'être bigorexique. Pourquoi je dis ça, sincèrement, c'est qu'il y en a que c'est carrément, c'est pas sain, là, ils s'entraînent tellement, trop intensément, tout le temps, que je me demande comment ils font, sincèrement. On dirait vraiment que t'accuses à clou, genre, j'accuse les triathloniens avec leur petite poudre dans leur gym. Ainsi que les douchebags dans leur gym. Aussi avec la petite poudre. Tout le temps dans le gym, finalement. Tout, et voilà, et voilà. Toutes les pièces, c'est des gyms. Ben, il faudrait faire un clou, mais version bigorexique. Ouais, là, ça serait, les petits ronds qui s'insèrent dans l'autre, là. Ouais, t'en as un qui s'enchaîne au début, là. Ça, c'est le petit graphique. Bref, on fait des liens. On fait des liens. J'accuse personne, en passant, là. J'ai aucun droit d'accuser personne, en fait. Dans un pourcentage de population, on dirait qu'aux États-Unis, il y aurait 1 à 2 % de la population qui serait atteinte de bigorexie. C'est plus qu'on pense, là, 1 %, ça a l'air de rien. Mais effectivement. C'est qu'il y a certaines personnes justement, qui ont probablement facilement la compulsion. Peut-être que tu te mettrais à t'entraîner demain, Mathieu, sans blague. Et c'est pour ça que je le fais pas. Ben tu oui. trouverais que, oh mon Dieu, j'adore ça, ça deviendrait carrément démesuré. Eh oui. Non, c'est crédible. C'est très crédible. Ben très crédible. Donc, c'est un sujet qui est encore peu étudié. Je sais qu'il y a des études qui sont en cours en ce moment à l'Université Laval par rapport à la bigorexie. Toutefois, depuis l'année passée, il y a une grille diagnostique qui est validée en français. Qui a été élaboré. Donc, dans le fond, c'est 29 questions réparties en 7 secteurs qui font un peu référence aux facteurs de risque. Le tout est auto-rapporté et ça se permet de situer un peu sur une échelle. Donc, le style de questions qu'on peut trouver, il faut répondre de 1 à 7 en désaccord. Donc, 1 étant en désaccord et 7 étant très fortement en accord. Donc, les 7 secteurs, le premier, c'est le sevrage. Donc, le type de questions qu'on peut avoir, c'est « Je pratique l'activité physique pour éviter d'être irritable. » perte de contrôle, je suis incapable de diminuer l'intensité de ma pratique. Réduction d'autres activités, je préfère m'entraîner que d'être en famille ou avec mes amis. Tolérance, j'augmente sans cesse l'intensité de ma pratique pour obtenir justement les effets désirés. Le temps passé, je pratique plus longtemps que mes intentions tout le temps, je suis pas capable de mettre une limite. Les intentions également, ça peut être le temps pratiqué est démesurément trop élevé. La continuité, je pense constamment à ma pratique au lieu de me concentrer sur mes études, mon travail. C'est vraiment les traits que je vous ai dit. C'est vraiment ce type de questions-là en questionnaire de 29 questions. Donc, la validation de cet outil-là a un peu permis de constater que la bigorexie rime souvent avec des troubles alimentaires. On se rend compte que les bigorexiques, en fait, ils ne font pas ça pour la santé, ils ne font pas ça pour socialiser. Ils font ça vraiment juste pour une question, ben pas juste pour ça, mais une question vraiment d'apparence et de bien-être. C'est vraiment un trait courant, ce qui fait qu'il y a une déformation de sa vision de soi, comme je disais, le dysmorphisme tantôt. C'est pourquoi on la nomme également l'anorexie masculine chez les hommes, parce que ça fait un peu référence aux troubles d'alimentation. Des fois, ça peut cacher des troubles de boulimie, etc. Donc, en fait, la bigorexie, si on le prend vraiment avec une perspective un peu plus large, c'est un peu comme tous les troubles de dépendance et tout. C'est une façon de garder une forme de maîtrise et de pouvoir son existence. C'est un refuge. J'aime bien ça. L'année passée, j'ai lu un livre écrit par le pédiatre Jean Wilkins qui s'appelle. Lui, il travaille au CHU Sainte-Justine et il travaille avec des adolescents justement anorexiques. Et lui, il dit que l'anorexie chez les adolescents, c'est vraiment un refuge identitaire. C'est vraiment une parenthèse dans leur vie ou un comportement dans lequel elles se réfugient pour justement échapper à la réalité et tout. Ici, j'aimerais un peu faire le parallèle avec la bigorexie. Okay, je sais pas si c'est ça. Je suis loin d'être un pédiatre. Je suis loin d'avoir la compétence pour dire ça, mais je pourrais dire ça pour toutes les compulsions et tous les troubles de dépendance. C'est que n'est-ce pas, dans le fond, des refuges dans lesquels on se... des comportements dans lesquels on se réfugie pour un peu s'échapper à la réalité. Donc, ça fait penser aussi à la chirurgie plastique, autant qu'à l'anorexie. Effectivement. Si les filles vont aller se faire changer le corps, les gars, ben, vont prendre la poudre puis vont shooter des affaires pour avoir plus de muscle. Et voilà. C'est modifier le corps. C'est modifier le corps, mais tu sais, c'est le tabagisme ou l'alcoolisme peut être également ça. C'est une réponse vraiment inadaptée à une réalité qui nous convient pas, dans le fond. Donc, c'est un peu le point que je voulais emmener. Si sincèrement, il y en a qui, ce matin, se sentent concernés par ça, ou se sentent interpellés, ou se pensent vraiment qu'ils pourraient correspondre à ce portrait-là, ben, comme je vous dis, il y a des outils diagnostiques qui existent. Donc, vraiment, aller chercher de l'aide, c'est pas quelque chose de... C'est pas une situation normale, dans un sens. Ouais. C'est ça, je disais au début de la chronique que le genre de gens qui auraient ces symptômes-là, est-ce que pas les auditeurs de C'est fou? Ben c'est faux, parce que je veux dire, on a tendance à rire un petit peu des douchebags, tout le monde de la chronique, on fait comment, on trouve ça drôle un petit peu. On trouve ça drôle, sauf que la réalité, c'est que c'est le genre de monde à se lever à 5h30 du matin pour aller s'entraîner à 6h au gym, puncher tous les matins, tout le temps, la routine comme ça. Peut-être qu'en ce moment, c'est en train de vraiment nous écouter. Ouais. Parce qu'on a vraiment l'image d'un douchebag, mais ça englobe beaucoup plus que juste ce qu'on pense. Et voilà, si on le prend avec le phénomène de société que ça représente, dans la société, c'est la quête de la réussite, c'est la quête de l'excellence, il faut tout le temps être parfait. Tous ces comportements de santé-là, je viens vous en parler souvent de l'importance de bien manger, l'habitude de vie et tout. Sauf que, comment je pourrais dire ça? C'est que c'est tous ces comportements-là, ça peut devenir très dangereux quand on veut vraiment atteindre un idéal avec ça. Ça peut devenir vraiment une pression vraiment de la société de correspondre à tous ces modèles-là et d'être parfait dans tout. Donc, encore là, je dis, si vous vous reconnaissez, faites de quoi, parce que ça n'est pas une situation normale en tant que telle. Tout à fait. Merci, Maxime Bilodeau. Ben, ça fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine. Ça fait 2 semaines que tu me dis puis que tu le reprends à la fin, mais si vous voulez en savoir plus sur l'bigorexie et tout, je vous invite à aller soit sur mon site internet, www.dunefoulée-à-l'autre.com. Je suis également sur Facebook. Et je dirais que je suis ne soyez pas d'une foulée à l'autre rexique. Oh! Je l'ai préparé celle-là. Quoi qu'il n'y a aucun désavantage à être d'une foulée à l'autre rexique. On ne connaît jamais assez, je dirais. Que des bons côtés. À la prochaine jeudi à 7h30. Yes, sans faute. Bonne journée, messieurs. Bonne journée aux auditeurs. Nous, pour l'instant, on va continuer en musique avec une pièce de Diamond Rings. Ça s'appelle All the Time pour ceux qui s'entraînent to the time. Hein? Le lien! J'ai même pas pensé à l'avance en plus. C'est ça, c'est spontanéité. Il y a une glande à lien, Mathieu. Pas besoin de drogue pour ça, mais ça serait. C'est mon cerveau qui est désaxé, je pense. We're unable to describe it. Wow! L'indice d'une pièce qui s'appelle Panthère. Non, c'était bon. C'était pas ce à quoi je m'attends tout à fait de l'indice d'habitude, mais je l'ai bien aimé. Et bizarre. Oui, ouais. J'aime ça bizarre des fois. Ça. Ben, ça fait jeudi, fin de semaine. Ben ouais. Voilà. C'est la nouvelle fin de semaine. Jeudi, le nouveau vendredi pour bien des gens. Ben oui. Il se passe pas grand-chose de vendredi dans la vie de bien des gens ici. C'est bon. Donc, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec Jasmine Raymond-Drainville, sa chronique de la GEQTR. Elle va nous présenter actualités, activités et autres choses qui commencent par A à la GEQTR. Oui. Moi, j'aurais pu inventer des mots qui ont AGE dedans, comme mettons potage. Oh, potage. Potage. Assemblage, évidemment. Oui. Même si ça n'a pas de lien. Âge, c'est un peu facile, je trouve. Ouais. Là. Si tu joues à. C'est quoi le Buggle? Non, pas Buggle, c'est quoi le jeu avec les lettres? Là? Dans un truc, un genre de coquille. Si tu brasses les Trouble. Lettres. Non. Avec les lettres. Avec les lettres que tu brasses, mets un sablier pour que tu fasses des mots avec. Scrabble. Non, c'est pas Scrabble. Rien. Ah. On aura aussi François Landry, sa chronique, Logographie 601. Restez là, c'est Assemblage Requis. Scrabble. Ben oui, mais les lettres, là, sois plus précis. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Merci Jean-Philippe pour la pastille. Ça fait plaisir. Donc depuis le début de la carrière de Maxime, j'étais comme hors micro. Ben oui, je sais. Chic, chic. Ben oui, la même chose, donc on se comprend. Oui, puis t'as une montagne de Kleenex à la droite. Oui, j'ai pas ma pastille, mais je vais le faire. Ben oui. Je peux vraiment parler pour le reste de l'émission, mais... C'est magique. Je vais pas laisser mes papiers dans les chambres, par exemple. Je vais mettre dans ma poche. Il y a des gens qui font ça, hein, tu sais, ça ouvre des produits quelconques et puis ça les laisse dans le studio pour le reste de la semaine. Oh. Tout à l'heure, Jasmine Raymond-Drainville. Pour l'instant, Noem, qu'on écoute en musique. Voici Nostradamus. Ça va pas dans l'Est franco. Oh, mais c'est bon, t'as ouvert le monstre rose, ça? Oui, je pense que... En tout cas, ils sont vitaminés. Yum! Puis sans sucre ajouté. Oh! C'est bon pour moi, ceux qui bench 400 beignes. Oui. De chaque côté. Oh, oui. Lors d'une onde bénie, je fus sorti du lit. Par un songe divin me soufflant ses quatre ailes. Écrire sur ces siècles à venir pour guider les humains sur ce sombre chemin. Sur ce sombre chemin. Vous ne parlez plus qu'à travers les écrans. L'imagerie qui devait vous faire sauver du temps. Vous ne penserez plus et le feront pour vous. Vous ne serez plus jamais seul, mais toujours seul partout. Vous traiterez vos semblables comme des animaux. Prisonniers des enclos comme de villes, troupeaux. Par millions, ils mourront de sécheresse et de faim pour que se perpétue trop vaste festin. Vos vies s'étioleront jusqu'aux âges vénérables, combattant de nouvelles afflictions incurables. Vous porterez des masques comme des mystiférés, effectuerez les masses et puis les guérirez. À vos filles et vos fils, vous crierez. Changeons tout, mais il sera trop tard. Vous laisserez tout derrière pour un nouveau départ. Vos vies s'étioleront jusqu'aux âges vénérables, combattant de nouvelles afflictions incurables. Vous porterez des masques comme des Quand je suis enfin sorti de cette rêverie, j'ai vite chassé ces visions de mon pauvre esprit. Les hommes sont des sots et cela j'en conviens pas au point de me léguer ce triste destin. Noël et Nostradamus à Assemblage requis, il est 8h02 minutes et on a juste assez de temps pour parler un petit peu de tatouque parce que là, ça commence à faire de remettre ça plus tard. Ben oui, à un moment donné, là, la semaine va passer puis on va être obligé de mettre ça la semaine prochaine puis annonce pas si froid. Ça va tomber à plat, tout ça. Alors. Donc, t'as acheté t'as eu une tuque en cadeau, en fait, c'est ça? Oui, voilà, donc tu la vois ici, on pourra peut-être la mettre en photo. Qui sait? Ben, elle est belle, pour vrai. Oui, elle est vraiment cool. C'est une grosse tuque de poêle. Tu sais, une vraie tuque de poêle comme... Avec du poil. Ouais, c'est ça, mais méfiez-vous, là, c'est une imitation de poil. Ce n'est pas du vrai renard. Okay. Donc, voilà. Donc, et puis, en fait, tout ça pour dire que ce qui est très cool, c'est qu'il y a une paire d'écouteurs intégrée. Est-ce que c'est une bonne paire d'écouteurs ou c'est. Ben, mettons que je ferais pas la radio avec. OK. Tu n'as pas de tuner radio non plus, donc tu peux pas écouter C'est fou dans ta tuque. Non, c'est okay. Ça. Mais par exemple, j'ai un petit micro. C'est vraiment fait comme pour les iPhones, téléphones intelligents. Ben, le fil est blanc. Ça paraît qu'ils ont voulu faire un fil iPhone. Est-ce que, tu as un micro, mais est-ce que tu peux brancher. Dans le fond, tu branches dans n'importe quel appareil. Oui, c'est le petit jack traditionnel, jack 1.8 qu'on retrouve un peu partout. Donc, t'es pas forcé à utiliser leur petit lecteur à eux autres dans la tuque. Non, exactement. Donc, parfait pour les gens amateurs de sport, peut-être. Oui. Les joggeurs. Les douchebags. Oui, peut-être aussi, mais là, ne vous m'y prenez pas, je ne bench pas 400. Non, malgré mes apparences. Donc tu t'en sers souvent, t'aimes ça, c'est cool. Oui, peut-être que je pourrais faire une petite partie de l'autre segment avec, là, question de voir le feeling. J'aimerais ça te prendre en photo avec ça puis ton micro, là. Ah, ça serait beau, hein? C'est un winner pas mal pour Assemblage requis, ça. Oh là là, je pense que défi accepté. Voilà. Est-ce que tu sais où la personne l'a acheté? Aucune idée. Non. En fait, c'est venu du web. Ben c'est American Eagle. Oh, ben quand même, non, c'est une tuque quand même faite par une compagnie de qualité d'habitude. Oui, faite en Chine. Ouais, ben comme tout. Hein. Oui, comme tout le reste. On retourne en musique, on va entendre Grizzly Bear. Ah oui? Ah oui, avec une pièce du palmarès anglophone. Très, très bonne pièce. Un peu longue, mais fait très bien le travail. Voici Grizzly Bear et A Simple Answer. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Goodness, mercy, mine. C'était Grizzly Bear et la pièce A Simple Answer. C'est très, très bon. Vraiment, tu sais, la tune dure, la chanson dure 6 minutes, mais ça paraît pas du tout. Tu sais, quand tu dis tune, c'est parce que t'aimes ça. Oui. Chanson, ça fait quoi? Ben, c'est une chanson. It's a chance. C'est une chanson. C'est ça. on accueille. En fait, François Landry est arrivé. Oui, je suis là. Tout sauf celui-là. Oui, je suis là. Prise 2. Okay. Jean-Philippe Chabonneau, toujours là aussi. J'ai pas bougé. Ben, non. Un petit peu, mais pas tant que ça. Pas assez pour vraiment que ça valait la peine de mentionner. Okay. Et Jasmine Raymond-Dréville est là. Salut! Salut! C'est la chronique AGEQTR. Est-ce qu'on chante? Je vais le faire tout seul. Laisse faire. Je vais le faire tout seul. Non, mais hein. AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro! Et maintenant que la honte est passée, on peut y aller avec des choses sérieuses. À chaque semaine, un jour, je vais arrêter de la mettre, Jasmine. C'est pas... Tu vas arrêter de la mettre. Puis c'est là qu'on va recommencer à avoir des plaintes. C'est ça, là, parce pourquoi que les gens, ils veulent entendre cette chanson-là. C'est un hit. C'est comme Karim Ouellet. Mais je suis d'un palmarès. Elle joue à Rhythm FM tout le temps, la chanson de la GQTR. OK. Donc, Jasmine Raymond-Dréville, une personne sérieuse dans un environnement moyennement sérieux. Salut! On parle pas de la GE, on parle de la sondage hockey ici. OK. Et t'es là pour nous parler, évidemment, des activités et des actualités de la GEQTR dans un ordre approximativement... Funky. Funky Torch. Funky. Voilà. Oui. Funky Torch, t'aimes ça? Oui. OK. Hein? Hein? Bon. Okay. On va commencer par la soirée artistique du 14 février. Oh, Saint-Valentin en même temps? Oui. Donc, au lieu de vous marier, puis de vous donner des fleurs, puis du chocolat, puis de manger avec des chandelles, de la fondue, les yeux dans les yeux... Venez c'est à détaillé, tout ça, hein? Oui, hein? C'était vraiment une soirée. C'est tout ton programme de soirée? Non. Non? Non, moi, je vais être ici. Parce que c'est la soirée artistique de la GE. Yeah! Oui, donc, c'est une soirée littérature, poésie, tous les trucs qu'on peut écrire, en fait, là. C'est pour dans le cadre de la Coupe des associations. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce de petit concours, mais pas trop compétitif non plus. Donc, toutes les personnes ayant du talent ou pas, là, en écriture, en poème, en tout ça. On va vous le dire si vous n'avez pas de talent. C'est ça, en fait, vous ne gagnerez pas de prix. Okay. Donc, venez à la Chasse-Galerie, c'est à 19h le 14 février. Vous allez être invité à présenter votre œuvre. Mm-hmm. Œuvre, entre guillemets, dépendant. Oui, il y en a qui vont être talentueux. L'année passée, il y avait eu quand même pas mal de monde. Pas mal de monde en littérature, évidemment, là, parce que... Ils savent écrire. Voilà, ils savent écrire. Ça aide. Mais vous êtes quand même tous invités, là. Peut-être que vous avez des talents cachés, même si vous êtes dans d'autres programmes, on l'espère. Donc, si vous voulez vous inscrire, en fait, vous pouvez écrire... je vais vous revenir la semaine prochaine pour vous dire à qui vous devez écrire. C'est encore loin, mais est-ce bref. Ouais, au pire, sinon, si, mettons, les gens oublient une adresse courriel que tu mentionnes, est-ce qu'ils peuvent écrire à une adresse généraliste de l'AGEQTR, si vous avez ça? Oui! Notre sympathique adjointe administrative, okay. Chantal, va nous transférer les courriels. Merveilleux. Vous pouvez écrire à age.uqtr@commercialuqtr.ca. Ça, c'est Saint-Bertonnet. Voilà. Mais retenez les autres aussi. Mais si jamais vous oubliez age.uqtr, là, je pense que tout le monde peut comprendre. C'est un bon plan B. Ou sinon, en allant chercher votre café à la Chasse-Galerie, parce qu'il est bien meilleur qu'à la cafétéria, vous pouvez venir en arrière. Nos bureaux sont là, puis on est bien fin. Les deux choses que tu viens de dire sont vraies. Fait que c'est vrai, j'ai goûté au café de la cafétéria. Pas pareil comme celui de la Chasse, qui est bien meilleur. Mm-hmm. C'est vrai. Voilà. Donc, venez nous voir. Oui, oui. Et des gens beaucoup plus sympathiques aussi. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Puis, en fait, il y a des prix qui vont être remis. Il va y avoir deux juges. Donc, il y a des bourses de 200. Ben, en fait, une bourse de 200, une de 100 et une de 50 $ qui vont être remises lors de cette soirée. Mm-hmm. Puis, petit détail comme ça, il faut pas que ça dépasse deux pages, votre truc. À Interligne. deux pages en caractère 12. OK. Arial, Times New Roman. Comme vous voulez. D'accord. Selon les normes universitaires. OK. Ça change dans chaque département. C'est ça qui arrive. Universitaire Pro, c'est ça que t'as dit? Oui, Pro. Cool. J'essayais de m'inspirer de la chanson terre, je vois. Donc, la soirée artistique de l'âge de Quetereux. Âge de Quetereux, le 14 février. Voilà. 2013. C'est ça, 19h. Oui. Ça qui arrive. Semblait ça. J'ai tout retenu, tu vois. Mm-hmm. J'écoute, là. Oui. Mm-hmm. Parfait. Ensuite. Bourse d'implication. Ah, de l'argent encore. Oui, à chaque année, la GE organise une soirée de remise des bourses pour les étudiants qui sont impliqués. Et ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, en fait, si vous en voulez une, c'est de remplir le formulaire de demande de bourse avant le 1er mars 2013 à 17h. Ce formulaire-là est disponible dans les bureaux de la GE. Donc, comme je vous l'ai dit, en venant chercher votre café ou votre thé ou peu importe, venez nous voir, venez chercher un formulaire. En fait, c'est n'importe quelle implication là, au sein de l'université. L'année passée, il y en a qui ont été remises pour la Luître, pour des trucs dans des programmes aussi, là, peu importe l'implication pour les activités de la GE, mais ça le va être plein aussi... Le plein air, sûrement. Oui, vraiment, vraiment n'importe la quoi. La radio, là. Est-ce qu'il y a des bourses pour la radio? D'habitude, c'est fait en collaboration avec C'est Fou. Je ne sais pas comment ça va être cette année, mais je sais que l'année passée, C'est Fou remettait des bourses. On les remet nous-mêmes parce qu'on est indépendant de la GE, mais... C'est ça, mais c'est organisé en même temps, vu que ben on s'entend bien... Tant qu'organiser quelque chose, faisons-le ensemble. Et voilà. Mais il y a des bourses qui sont remises aussi pour ça. Je sais pas si ça va être comme ça cette année. Parfait. Mais voilà. Good. Fait que remplissez ça. Simple. On se présente au bureau de la GE. Petit brownie sur le side. Ah mais non. Ils sont vraiment bons, les brownies. Ils sont vraiment bons. Vraiment, vraiment, vraiment bons. J'ai eu des bons commentaires aussi sur les gaufres. Oui, j'en ai mangé cette semaine. C'est pas mangé. Petit sirop d'érable, là, qui vient avec, là. Font toaster ça, grillé. C'est pas du vrai sirop d'érable, par exemple. Non, je sais, mais il goûte bon, pareil. OK. Puis là, c'est vraiment moelleux et non, c'est très bon. Oh! C'était ma première fois, j'étais content. Ça faisait longtemps que j'ai les yeux, t'sais. Je vais à la chasse galerie, je suis comme un enfant, t'sais. Oh, oh, brownie! Oh, oh, les gaufres! Ah, mais les brownies, là. Mm. Je vendrais mon chat pour ça, je pense. Oh, oh, oh! Hey. Révélation choc ici. Oui. Tu vas faire la une de la semaine, là. Traître! Ouais. On va débarquer du groupe Facebook des chats, là. Attends ça. Y a-tu un groupe Facebook? Dans un groupe Facebook des chats, là. Ben, c'est son mur. L'association. Tout le monde qui voit quelque chose de chat, mais l'envoie sur mon mur Facebook. Ah, t'es absolument cette fascinant. Fille. Voilà. T'es cette fille-là, il y a tout un follow chat. C'est vrai, hein. Il y a tout un quelqu'un dans notre entourage qui aime trop les chats. C'est moi. Puis moi, je suis l'équivalent masculin, c'est ça. Oh! Cela étant dit. C'est ça. Cela étant dit. On est rendu maintenant au sujet fin de l'Assemblée générale annuelle et Assemblée générale spéciale. Ah, deux choses en même temps dans un même... Tout ça en même temps. Wow. Ben, pas en même temps, mais une à la suite de l'autre. Oui. Oui. Donc, à l'Assemblée générale annuelle du 3 octobre 2012, on a perdu quorum. Fait qu'on n'a pas pu continuer la réunion parce que c'est la vie, quand on perd quorum, on arrête. Légalement. Ça. Voilà. Donc, on va finir l'Assemblée générale annuelle parce qu'il faut la finir. Vous ne reprenez pas le début, vous. Commencez où vous avez terminé. Oui, on a vraiment été perdu. Donc, on était rendu au point... Il restait pas grand-chose. On était rendu au point Varia, qui sont des annonces. Puis les étudiants aussi peuvent en faire, là. Puis levée de l'Assemblée, mais il faut la finir. T'as pas le choix. Okay. On était rendu là. Tout de suite après, il y a une Assemblée générale spéciale, comme il y en a souvent à la session d'hiver. Je vais vous dire l'ordre du jour. Donc, on a évidemment ouverture de l'Assemblée, nomination de la présidence et du secrétariat d'Assemblée. En point 3, lecture, adoption de l'ordre du jour. En point 4, modification au statut et règlement généraux. Il y avait un document qui avait été présenté à l'Assemblée générale annuelle, donc le 3 octobre, que j'avais présenté. C'est pour modifier l'article 3.11 des statuts et règlements généraux de la GE, qui est l'article sur le vote de grève. Donc, on a préparé certaines modifications qu'on avait présentées à l'Assemblée. Puis là, ça va être le temps d'en discuter puis de se positionner là-dessus pour savoir si on les modifie ou pas. Ensuite, il va y avoir une présentation de la planification stratégique, donc un plan de développement étalé sur 5 ans pour la GE. Puis ensuite, la fermeture de la réunion. Ça va être une à la suite de l'autre, donc... La fin de l'Assemblée générale annuelle est convoquée pour 13h30. C'est le mardi 19 février au 10-12 Néré-Beauchemin, comme toujours. Les portes vont ouvrir à midi. Il y a une levée de cours qui a été que l'université nous a accordée pour 13h30. Donc, c'est pour ça que c'est l'heure du début de la fin de l'Assemblée générale c'est annuelle. C'est bien quand ça concorde. C'est ça. Des fois, c'est difficile de faire concorde. C'est ça. Mais là, on est content. Mm-hmm. Puis, tout de suite après, quand ça va être terminé, ça va être l'Assemblée générale spéciale. Parfait. Donc, 19 février, on va avoir l'occasion d'en reparler d'ici là. Oui. Évidemment. Tout à fait. Mm-hmm. Donc, soyez là. Puis, apportez votre carte étudiante. Super. Voilà. Ensuite. Ensuite. Je vous en avais parlé la semaine passée et je vous en reparle aujourd'hui. Le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs de l'AGE. Le CMCSAGEUQTA. Donne-y l'acronyme que tu veux. Puis, ça, c'est le... Les dates, où sont-elles? C'est les 4 et 5 février, un lundi et un mardi. C'est totalement gratuit. Là. C'est des étudiants qui ont été sélectionnés. Ils vont venir parler de leur recherche, de ce sur quoi ils travaillent à l'université. Chaque étudiant va avoir à peu près 30 minutes, là, ben 20 minutes de présentation habituellement, puis 10 minutes de questions à la fin. C'est à l'atrium CE, j'oublie tout le temps. CEU. Voilà, le seul atrium qu'on a avec les vitres et tout. Donc, voilà, vous êtes tous invités à venir participer à ça, à venir assister à ça, en fait. Comme je l'ai dit, je le répète, c'est gratuit, puis il y a des repas qui sont fournis. Donc, le mardi, c'est un buffet froid pour... le lundi, c'est un buffet froid pour le dîner. Puis le mardi, ça se termine avec un souper et conférence. Donc, c'est chaud. Gratuit, je le répète, fait que dîner. La nourriture gratuite, des trucs intéressants, là, venez. Vous n'avez aucune raison de ne pas être là. Exact. Sauf si vous avez des cours, on vous encourage fortement à y aller. Mais pour vous inscrire, pour pouvoir venir à Cipo. En fait, il faut que vous vous inscriviez pour le buffet du lundi, du mardi, là, pour qu'on puisse calculer les portions. Puis sinon, vous êtes invité à venir assister là, sans avertir. Pour vous inscrire, vous écrivez à Raphaël Landry, qui est la vice-présidente aux affaires académiques des cycles supérieurs. Son adresse, c'est cyclesup.age@commercialuqtr.ca. Donc, cyclesup.age@commercialuqtr.ca. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Voilà. Je vais prendre mon souffle. Pour terminer, ce midi, dans le cadre de Tribune Libre, on reçoit Françoise David, qui est co-porte-parole de Québec solidaire et députée dans Gouin. Venez la voir. Elle va vous parler de plein de choses intéressantes. Puis elle a l'air bien fine, là, fait que j'imagine que si vous avez plus vous avez de questions, plus elle va être heureuse. Je suis pas mal sûre. Fait que voilà, c'est midi à la Chasse Galerie. Vous pouvez amener votre lunch ou manger un sandwich plein de saveurs funky là, de la Chasse Galerie. Le mot du jour, funky. Funky. Fait que c'est ça. Cool, c'est tout. Soyez là, pour vrai. Ben oui, pour vrai. Pour sérieux. Vrai, non mais soyez là, c'est gratuit puis c'est Françoise David. Tu sais, Gouin-gouin. Dorénavant. Ben François c'est David tout. Va vouloir dire gouin-gouin. Parce que c'est sûr qu'elle nous écoute présentement. Sûrement. C'est sûr. Merci Jasmine Raymond-Drainville. T'es fini? Oui, t'as fini. J'ai la mâchoire dégelée maintenant. Bah, c'est ça, t'as défrosté ta mâchoire pendant ta chronique. On te retrouve jeudi prochain à 8h. Toujours. Merci encore. Le plaisir. Dans quelques minutes, François Landry sera avec nous plus officiellement encore pour sa chronique Le Gocratie 101. C'est toujours plus officiel, plus protocolaire. Ouais, c'est ça. Silence, collègue. Entre les deux, il va falloir s'arranger pour faire une nouveauté. On va se caucuser pour voir la nouveauté du jour parce que, bon, janvier pic, hashtag janvier pic, à date, il n'y a pas de nouveauté aujourd'hui. C'est pas hashtag, faut dire. C'est mot dièse. Ou pour les Québécois qui ne savent pas parler, mot carré. Tu sais, quand t'appelles une ligne téléphonique, oui, fait le carré. Je cherche toujours. Il est où le carré là-dessus? Mais c'est parce que c'est même pas un carré. Non. Il est sur l'italique. Faites l'étoile. C'est pas une étoile? C'est pas une étoile, c'est un astérisque. C'est pas un flocon? Faites le flocon. Génial. Hydro-Québec pourrait faire ça. Oui, puis faites le flocon. Diminuez votre consommation, faites le flocon. Vous avez des problèmes de chauffage, faites le flocon. Puis à la place du zéro, si vous voulez demander l'assistance téléphonique, faites le beigne. Non, un beigne, c'est comme pas aval, là. En tout cas, ça serait plus le 8, il y a des... Le 8? Ça, c'est pretzel. Le pretzel, oh, le pretzel. Okay, faites la petite barre, ça, c'est le 1. Tu sais, y en a-tu là? Le 2, faites... Le petit serpent? Non, peut-être plus le 3 serpent. Non, pas de non le 3, c'est paire de fesses. Paire de fesses, excuse-moi. Oui. Paire de fesses, là. On pourrait continuer là-dessus bien, bien longtemps. Ouais. Mais pour l'instant, Carré Molette, en hommage à ton affaire du 14 février... Ton affaire. On n'écoutera pas l'amour. C'est bien dit ça, Mathieu. Parce qu'on n'est pas à Rouge FM, on n'écoutera pas l'amour. Alors, on va écouter à la place Foudre. Oui. Foudre. Bon, je ne sais pas dire je t'aime. Sauf dans mes chansons, car je m'adresse à quelqu'un de générique. Ça ne me fait pas de peine. Tu me donnes tes mains et je t'étrangle avec les miennes. Tu verras peut-être mon nom passer très vite. Musique par Karim Ouellette au générique. Je jette un regard sur ma montre. Les heures qui courent ne sont pas toujours dans mon équipe. et le temps file comme la foudre qui tombe. En Amérique, tu veux me prendre par les mains, que je te tire par les cheveux. D'un bout à l'autre du chemin, sous les sapins et les cèdres merveilleux. Je ne sais pas dire je t'aime, mon petit cœur qui court à en perdre haleine. Ivre de la course, je m'essouffle à peine. Je jette un regard sur ma montre. Les heures qui courent sont pas toujours dans mon équipe. Alors tu comptes les secondes et tu demandes ce que réserve la suite. Tu veux me prendre par les mains, que je te tire par les cheveux. D'un bout à l'autre du chemin, sous les sapins et les cèdres merveilleux. Jette un regard sur ma montre. Les heures qui courent sont pas toujours dans mon équipe. Mais le temps file comme la foudre qui tombe, et le tonnerre qui gronde, et le vent qui souffle, jusqu'à ce que l'on soit tous ensemble. À l'autre du chemin, sous les sapins. Foudre de Carré Moilette sur l'album Fox. Fox qui est une autre pièce qu'on aime beaucoup de Carré Moilette. L'amour est une pièce qu'on aime moins de Carré Moilette. Ouais. On est tanné. Ouais, on est tanné. Ouais. Donc maintenant, vous savez, c'est pendant tout le mois de janvier, c'est le mois janvier pic. Janvier épique. Hashtag janvier pic. Mot dièse. Mot carré. Janvier pic. On recommence pas la discussion. On a une nouveauté par jour, tous les jours, du lundi au jeudi, pendant le mois de janvier. Ça donne à peu près une quinzaine de jours parce qu'on a commencé le 8 puis on finit le 31, ça fait. Aujourd'hui, notre nouveauté, ça en fait pas une nouveauté de chronique parce que jusqu'à maintenant, on a eu une nouvelle chronique à presque tous les jours qui vont embarquer en rotation et qu'on va faire une fois de temps en temps. Là, ce qu'on a, c'est une nouvelle vocation à une chronique qui existe déjà. Vous connaissez peut-être le poste d'écoute, on fait ça une fois de temps en temps. Oui. On l'a fait rarement de ces temps-ci parce qu'on a rarement 20 minutes à allouer à une chronique. C'était l'idée de jouer trois pièces d'un même album de suite. Parler un petit peu du groupe, dire de comment ils ont commencé, etc., pourquoi ça existe. Et 20 minutes, ben c'est beaucoup parce qu'on a tout le temps trois chroniqueurs par émission. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on va prendre le poste d'écoute et on va lui donner un petit twist. Twist and shot. On va aller voir sur les Beatles. Les Beatles. La nouveauté du mois, non? Oh oui, tout le monde découvre ça là, pour la première fois. Bladox Indie Rock Playlist sur burp.fm, BIRP.fm. Ils font une playlist à tous les mois. Torrent, tu peux la télécharger, tu peux télécharger les MP3. C'est des nouveautés, des nouveaux groupes, des nouvelles affaires indépendantes qui sortent. Tu télécharges ça, t'as comme une centaine de chansons. Et à chaque année, ils sortent aussi une compilation de l'année au complet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer quelques-unes de ces pièces-là dans le bloc, le poste d'écoute. D'assemblage requis! Oh oui! Peut-être qu'on aurait plus de temps dans l'émission si chaque intro ne durait pas une minute, mais bon. Donc, dans le poste d'écoute aujourd'hui, ce qu'on va écouter, c'est deux groupes. Il va y avoir plus tard Wait What. Le groupe s'appelle Wait What. Attends un peu, cassé. OK. Avec la pièce Speak Breathe. Mais on va débuter avec The Airplanes et leur pièce Paper Hearts. J'ai écouté ça, ça a l'air bon. Tu sais, je vais vous laisser vous donner un petit verdict à la fin. Donc, on commence à l'instant. Voici The Airplanes et Paper Hearts. Donc, c'est fou dans le poste d'écoute. We'll be right back. T'en penses quoi des gens qui font du ski? Du ski? À ce grand froid. Dans la rue, là, avec l'abandon. Non, je sais pas ce que j'en pense. De la raquette? Pas tellement. Du vélo, ça, je suis pas d'accord. Non. Ben non, on n'a même pas pneu neige. Ben là. Hey, c'était le poste d'écoute d'aujourd'hui. On vient d'entendre deux choses. On va donner nos verdicts juste après. On vient d'entendre Wait What avec Speak Breathe. Et puis avant ça, c'était The Airplanes avec Paper Hard. Ça fait partie de la playlist de janvier 2013 sur burp.fm, BIRP.fM. J'adore Burp. J'avoue que la deuxième... Oui, c'est très, très bien. Mais la deuxième pièce, on trouve que ça sonne comme pas grand-chose. Ça sonne musique communale, normale, que sans nouveauté. Musique de fond, là, genre, ça passe inaperçu. Là. Exact. Je chiale pas, mais tu trouves pas ça si plaisant que ça non plus. C'est ça. T'en viens à l'oublier. Exactement. En fait, par contre, on a aimé la première. Oui. Pendant tout le monde. Ça sonnait un peu rétro. Beach Boy, ben, sans le talent, mais quand même. C'est ça. Encore des croûtes à manger, mais je vais peut-être te demander de le disque éventuellement. Parfait. Ça a du potentiel, c'est ça que ça veut dire. Oui, ça a du potentiel. Ben, c'est ce qu'on essaie de trouver un petit peu dans le poste d'écoute. On va se forcer de plus en plus. C'était la nouveauté du jour dans le Janvier Pic. Mon dièse, Janvier Pic sur Twitter. Personne s'en sert, mais c'est pas grave. Dans quelques minutes, la chronique de François Landry, Logocratie 101. Jasmine, est-ce que tu vas être avec nous un petit peu? Ben oui. OK. Jean-Philippe aussi? Tout le temps. OK, pas le choix. C'est François qui est clé du bureau. Moi, je suis pas là. Moi, non, pas. Oh, vous autres, là, bien vous autres. Je suis nappant. Je suis navré. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Ah, c'est lundi, j'ai mis le demain, mais c'est lundi. On se comprend, lundi, ça tape. Simon Fitzbé, son éditorial. Simon, humeur vous déplaît. On aura aussi Sébastien Dulune et sa chronique Va voir, j'y suis. Et on terminera ça avec Alexandra Carignan et sa chronique Le temps d'une culture. C'est quand déjà ça? C'est lundi. Lundi? Oui. Matin, lundi, le 20. Là, tu me mélanges, je sais plus c'est quel jour, mais c'est lundi. Okay. Assemblage requis est là, présenté par le Comment? Service aux Est-ce étudiants de l'U. Si je vais être là? Oui. Non, je pense que qui va être là? L'annonceur, je pense. OK. Ouais, écoutons-la. Assemblage requis est présenté par le Service aux étudiants de l'UQTR. Chantons aussi. Je sais pas si c'est l'annonceur qui chante ou quelqu'un d'autre, mais on va écouter une chanson. Genre. En tout cas, si c'est l'annonceuse, elle n'a pas la même voix quand elle chante. C'est... Non. Puis à l'écouter, c'est clairement pas moi. Non, moi non plus. c'est Vanessa Parietta. Oh, ceux qui font la chanson okay, en tête de l'émission. C'est ça. Oui, ouais, okay. Collègue? Oui. Silence. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. La pompe royale. On savait pas du tout où on s'en allait. On savait pas comment l'amener, mais nous voilà rendus. Nous voilà rendus, collègue. Oui, collègue. Oui, collègue. Donc, toujours avec Jasmine Raymond-Drainville. Oui. Jean-Philippe Charbonneau. Certes. François Landry. Indubitablement. Il sort des grands mots, là. La nouveauté. C'est la hashtag nouveauté du jour. Donc, François Landry, Logocratie 101, et aujourd'hui, c'est la suite de la semaine passée sur l'année du serpent. Ben oui, parce que c'est l'année du serpent. Jean-Philippe, je sais pas si tu savais, on rentre dans l'année du serpent. Là. C'est intéressant. Non, pas là. Dans deux, trois semaines, là. Merde. Au début de l'année? Non, c'était au mois de février, le nouvel an chinois. Ouais. Moi qui avais enlevé ma peau. Moi, j'étais sûr que c'est mi-janvier. Non, ça a l'air, c'est le 6 ou quelque chose de même, là, dans ces eaux-là. Là. Mais bon, c'est les Chinois, made in China. Hein? N'importe quoi. N'importe quoi. oui, l'année du serpent, c'est, selon l'ésotérisme chinois, l'année de la vérité. Parce que le serpent, c'est l'emblème de la vérité avec ses yeux. Il est capable de te faire pisser dans tes clottes quand tu le vois dans un désert. Là. Ou répondre à la porte quand il sonne, ça personnel. Oh, ouais. Mm. Ouais, ben habituellement, je réponds pas quand ça sonne, les témoins de Jéhovah. T'as un quartier de témoins de Jéhovah vraiment intense, ça? Non, j'ai pas de voisin tout court. Fait que c'est encore plus louche quand ça sonne chez nous. Oui, donc c'est l'année de la vérité. Donc, j'ai fait un mix vérité, politique, c'est deux opposants. Donc, je me suis dit, autant parler de politique quand on parle de vérité. Donc, l'année passée, oui, la semaine dernière, j'ai parlé de la politique provinciale, qu'est-ce qui était pour arriver avec Pauline Marois, avec Québec solidaire, Option nationale, et surtout le Parti libéral qui se cherche encore et toujours un chef. Et au fédéral, c'est la même chose. Le Parti libéral du Canada se cherche encore. Non pas encore, mais encore. Encore. Avec un gros oui. Mets un H aussi dessus parce que c'est tellement encore un nouveau chef. Depuis le départ de Jean Chrétien en 2003, on s'en souvient tous, ce petit gars de Shawinigan, ce parti aura passé, je dis en guillemets, là, passé par moins de trois chefs. Hein? Ils ont pas tué, là. Même pas en 10 ans. Pas trépassé, je dis passé. Paul Martin, on s'en souvient tous que le calife qui a voulu être à la place du calife. Stéphane Dion, qui est le nobody qui s'en est sorti parce que le vote divisé a fait en sorte que lui a passé. Et Michael Sourcy Ignatieff, qui lui... Sourcy Ignatieff, c'est ça. Sourcy Ignatieff, ouais, c'est un mot russe, hein, c'est d'origine russe. C'est je pense un descendant du dernier tsar de Russie. Donc c'est un aristocrate. Les bolcheviks l'ont pas zigouillé, lui. Toi, t'es fan d'histoire, c'est ça? Hein? Ben, je suis un historien formatif. Ça me passe par dessus la tête. Révolution russe de 1917, non? Non. Mais son signatief, il m'a l'air tenu. Non, il est bon. Ou, oui, trois chefs, mais on rajoute le quatrième, Bob Ray, qui est présentement le chef intérimaire, qui avait dit « Je ne veux pas être le chef à la suite de ça ». Il tient pour l'instant parole. Il n'est pas dans la course. Bob Ray, c'est Robert Raymond. En québécois. C'est mon oncle. Ah, Raymond Drainville. C'est ça? Raymond, c'est pas ton deuxième prénom. C'est pas Jasmine Raymond, mm. Puis ensuite Drainville. On a déjà claqué. Jasmine Raymond. Hey, Ray. J-Ray. J-Ray. Hey, bon, non, c'est Jay, non? OK, leur nouveau chef permanent, les libéraux fédéraux le choisiront le 14 avril prochain, donc pendant l'année du serpent. Parmi les 7 candidats officiellement dans la course, il y a évidemment Justin Trudeau, hein, notre préféré, notre chouchou. On l'aime de Justin. Justin Waterhole. Trudeau. Ça arrêtera pas aujourd'hui. Là, tu pleures, là, je pense. Je m'excuse. Pas parce que je me ferais moi-même, c'est Jasmine qui a ri, tant que je m'en ferais. Donc oui, Justin part avec plusieurs longueurs d'avance. Parmi les autres candidats, on note aussi la présence de Deborah Cohn. C'est qui ça? Je vois votre point d'interrogation dans la face. C'est travailleuse de la construction, je pense. Non, non, encore mieux. C'est la mère de la demi-sœur de Justin. La qui de quoi de quand? OK, Deborah Cohn, qui est candidate contre Justin. Elle est la mère de la demi-sœur de Justin. Justin a une demi-sœur, sa demi-sœur a une mère. Ouais, et cette demi-sœur-là s'appelle Sarah Elizabeth. OK, donc, ça va faire des chicanes de famille. Elle a 21 ans. Elle est assez jolie. Oh ouais, c'est quoi son nom? Sarah Elizabeth Cohn. Cohn? Cohn, C-O-Y-N-E. OK. Elle est Cohn, Justin Trudeau. Contre. Oh, OK. Ouais, j'avais mis mon affaire sur la construction, je trouve. OK, désolé. Donc, elle serait, donc cette femme-là, Sarah Elizabeth, elle serait la fille de Pierre Trudeau. Donc, elle est la sœur. On se comprend, là, c'est une histoire d'inceste dans la famille, mais sans le côté méchant, mais c'est une dynastie, c'est une affaire de dynastie. Donc, deux membres de la même famille qui se battent un contre l'autre. OK. Hein? Donc, la belle-mère puis le fils. Alors, au-delà de ce bizarre alignement des planètes dynastiques, la candidature de Justin Trudeau semble toujours tenir du syndrome du sauveur, un grand classique en politique. Hein? Justin, c'est le messie tant attendu au Canada. Fort en grande partie pour le moment du nom de son père, l'ex-premier ministre Pierre-Yves Trudeau, on s'en souvient tous, Dieu est son âme, car nous, on n'en veut pas. Bah. Mais aussi d'un coffre de guerre, il a un coffre de guerre de 100 000$ amassé en 3 mois seulement. Donc, juste le fait qu'il s'appelle Trudeau, le cash rentre. Le défi de Justin d'ici avril sera de démontrer qu'il n'est plus qu'un nom, qu'il est crédible. Jusque-là, ça augure mal. Le problème est que ce défi le force même... La force même de son nom semble le rendre pour ainsi inutile parce que on aime ou on n'aime pas Trudeau. Donc, il part avec 50% de chance en partant. Sa note de passage, c'est 50. Il ne pourra pas faire mieux. Si Justin devient le chef du Parti libéral du Canada et que sa popularité venait à se maintenir au moins en dehors du Québec d'ici les prochaines élections fédérales, c'est au NPD, devenu l'opposition officielle depuis 2011, que cela poserait le plus grand problème parce que Justin, dans le Canada, il est très populaire, pas au Québec. Le NPD est... très populaire au Québec, de par le nombre de circonscriptions. Mais on s'entend que ça va tomber comme un château de cartes aux prochaines élections parce que ça me surprendrait qu'on réélise des listes Saint-Denis de ce monde. On s'en souvient tous, hein, c'est... Tu ta préférée. Ouais, une chance, c'est pas mes députés. Une chance. Moi, c'est Ruth Hélène, ma députée. Oh. Ah, est-ce que tu as fini par l'apprivoiser, par l'aimer, Ruth Hélène? Non, elle est à Louisville. Moi, je suis pas dans ce coin-là. Okay. Mais dans chaque festival, elle y va. Donc, je vais à chaque festival pour pouvoir la voir. Ouais. Je veux lui serrer la main. Ah, c'est clair. Puis, Real. Si Justin devient chef. Non, ça, je l'ai déjà dit. On parlait du NPD. Le chef Thomas Mulcair, à la tête du NPD, aura un énorme défi en 2013. Parce que 2013, ça sera. Le mi-mandat du gouvernement. Et habituellement, au mi-mandat, c'est là que le gouvernement fait tout ce qu'il veut. Parce que la mémoire politique des Canadiens est d'environ 6 mois. On s'en souvient environ 6 mois. Après ça, il a fait ça, je m'en souviens pas. Donc, 2013, c'est en principe, les élections, c'est en 2015. En principe, puisque des élections à date fixe au Canada, on s'en souvient tous. On l'a jamais fait, mais c'est à date fixe. Donc, en théorie, 2015, les élections. Peut-être même 2016. Mais donc, Thomas Mulcair aura une énorme côte à monter maintenant qu'il est bien en selle, maintenant qu'il est chef du parti, maintenant qu'il est bien entouré. Le NPD ne peut que se crédibiliser ou tomber, un ou l'autre. Pour le Bloc québécois, là, on parle déjà de décrédibiliser. décrédibilisé. Et ils n'ont que 4 députés totalement absents. Nommez-moi-en un. Un député du Bloc québécois. C'est même pas. OK. Non. Et le chef. Voilà. Donc, Daniel Payet, le chef, ben oui. Il n'est même pas... J'ai jamais entendu son nom. Il n'est même pas député. Oh. Il n'est pas député. Donc, il n'y a que 4 députés. Moi-même, honnêtement, en toute modestie, il y a Mario Mourani, puis c'est à peu près tout ce que je sais du Bloc québécois. Donc, il va falloir qu'il redresse le parti. Il n'y a pas le choix, c'est sa mission. Donc, c'est tout ce que je dis sur le Bloc québécois cette année, parce qu'ils n'ont même pas de place. Il est reconnu comme parti indépendant à la Chambre. Donc, c'est pas le Bloc québécois qui parle, c'est 4 députés indépendants regroupés sous la bannière bloquiste. Donc, ça en dit long. Maintenant, notre cher premier ministre, notre cher monarque, notre cher fils. Préféré. D'Elisabeth, oui, notre préf, comme tu dis. Mon préf. Ton préf. Stephen Ier, hein, on va l'appeler de même, on va le couronner officiellement. Stephen Premier ministre. Prime. Avec une couronne d'épines. Oui, je le souhaite. Une toge? Mais il résiste à ça. Pour l'instant, il y a plus la couronne d'or et de pétrole. Il y a une pipeline sur la tête. Ouais, une couronne de pipeline. Une couronne de pipeline. Pas d'épines, de pipeline. Parle de s'entendre fort quant à lui de sa majorité obtenue en 2011 et de ses 6 années qu'il a déjà de au pouvoir. Le Prime Minister conservateur Stephen Harper attend que cette même division du vote non conservateur le favorise pour plusieurs années encore. Parce qu'on se divise entre le Parti libéral qui est centriste et le NPD qui est à gauche et le Québécois qui est nationaliste, le Bloc québécois. Donc la division du vote non conservateur fait en sorte que le Parti conservateur est bien assis à Ottawa pour encore de longues années. En 2013, donc, ce qu'on prévoit pour Stephen Harper, c'est le... ça part mal pour lui. Avec le mouvement surprise, disons-le, autochtone, pan-canadien Idle No More. J'en parlerai pas ici parce que Simon Fediba a déjà fait une excellente chronique là-dessus. Les Amérindiens, on s'en rappelle, c'était lundi. Exactement. Donc, Idle No More, qui veut dire l'apathie, c'est fini, grosso modo. Lui pose son premier défi. Le premier ministre était un apôtre fidèle des politiques de division, divisé pour mieux régner. Mais là, les Autochtones se réunissent sous une même bannière. Stephen Harper est de plus en plus isolé parce que on voit avec le printemps étudiant au Québec, on est déjà craqué, prêt à ressortir. D'ailleurs, le symbole de Idle No More, c'est la plume rouge. Et officiellement, ils ont dit on va prendre la couleur rouge pour faire référence à la lutte étudiante. Tout le monde s'est identifié au carré rouge. Donc, c'est beaucoup plus facile de ramener le symbole. Le premier ministre est un apôtre fidèle des politiques de division, comme je disais. Excusez. En anglais, c'est le wedge politics. T'sais, le wedge, faire un wedgie. Oui. Ça vient de là. Donc, on divise. Donc, on écarte. De pénétrer entre deux. C'est ça. Donc, on écarte le identité. Oui, exactement. Bon. il faudrait donc surveiller de près son plan de match sur cette question très complexe. Stephen Harper cherchera-t-il à diviser ce mouvement en opposant les revendications de base qui émanent de la population et de Idle No More ou celles des chefs des nations, des Premières Nations? On sait qu'il y a déjà des chefs qui se font porter malade pour ne pas être à l'avant-scène. On l'a vu. Il y a déjà une division qui s'opère dans ce mouvement autochtone-là. Où Stephen Harper tentera-t-il, pour une fois, de tenter de faire avancer les intérêts d'un segment de la population canadienne, un segment non négligeable, malgré qu'il ne vote pas beaucoup pour son parti? Parce que le vote autochtone est habituellement libéral et ou néo-démocrate. C'est rare, conservateur, pour les autochtones. Bref, la question autochtone, déclinée sous toutes ses facettes, semble vouloir marquer le début de l'année pour le gouvernement Harper, pauvre de lui. Comme quoi, la question du Québec attire autant d'attention au Canada qu'un moustique en été. Bref, aucune. Hein? Celle des Autochtones donne l'impression, du moins pour le moment, d'occuper le devant de la scène politique canadienne. Le Canada se fout éperdument de ce qui se passe au Québec, les bébés gâtés, bon, les BS de luxe de l'Est. Tandis que les Autochtones, ils sont répartis à grandeur coast to coast, admaré ou square admaré, pour reprendre notre devise canadienne. Il oui. va falloir apprendre ça, les gars. En latin. Là. En latin, là. Moi, je le savais. Ben, c'est pour ça que je dis les gars. Répète-la donc, moi. Admaré. C'est ça. Ave Maria. Admaré. Okay. Admaré. Maria. Un océan. Ça, c'est le Roi Lion. Akuna Matata. Un autre défi n'est pas tant celui du premier ministre que celui de milliers de chômeurs, dont plusieurs saisonniers, lesquels verront leurs conditions de vie, leurs revenus et l'accès aux prestations d'assurance-emploi amputés à divers degrés par les dernières réformes des conservateurs. Il y a un nouveau mouvement de lutte, Action au chômage et compagnie, ceux qui se battent pour faire respecter les droits des chômeurs, en fait, commence à se rassembler, à se réveiller. C'est extrêmement complexe, la réforme de l'assurance-emploi. Je pourrais faire une chronique là-dessus, puis j'en dirais seulement 2-3%. C'est tellement lourd de conséquences que juste à penser aux pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine ou de l'Est canadien, qui eux autres peuvent pas travailler l'hiver, parce qu'on s'entend, la glace est gelée. Donc, ils se mettent sur le chômage. Mais selon la loi, ils n'auront plus le droit. Ils vont être obligés de se trouver une job, même si ça se trouve à une heure de route de leur chez-soi. Donc, faire une heure de route, aller travailler le matin, faire une heure de route, travailler le soir à 8 pièces à l'heure dans un dépanneur Sainte-Perpétue, ça se pourrait que ça soit pas intéressant. Tu gaspilles plus de gaz que de revenus. Avec leur slogan « On lâche pas », les travailleurs et les travailleuses qui s'opposent réussiront-ils à conscientiser une partie de l'importante opinion publique, la très importante, la fameuse Vox Pop, quant au danger pour l'équité sociale et donc pour l'économie elle-même de cette offensive conservatrice contre l'assurance-emploi. C'est ce que nous réserve 2013 juste au mois de janvier. Là. Fait qu'imaginez février, mars, avril, j'ai déjà hâte. Ça va être une grosse année. Ça va être une grosse année au Canada. Peut-être que oui, le printemps étudiant a réveillé un peu les... a sonné les cloches du moins. Ça, c'est clair. Pour dire, oui, c'est faisable. Puis oui, la population est déjà craquée. On a trouvé des moyens de se faire entendre. Donc là, chaque petit mouvement, tout dépendamment de leur importance, vont aussi vouloir se faire entendre. Et checker bien ça, en 2013, on devrait avoir du fun. Ah, ça va faire du matériel pour une chronique, en tout cas. Hein? Ben, c'est pour ça que j'aime ça, la politique. Ça m'alimente à chaque jour. Oui, on va y penser toute la semaine. Donc, oui. François Landry, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Une autre chronique, Logocratie 101, la semaine prochaine, jeudi à 8h30. On va terminer l'émission ici. Là, t'en fais les gars de la... Ben, en fait, les gars et la fille de La Belle et les Bêtes, d'où le titre, étrangement. S'en viennent à partir de 9h. On remercie Jasmine Raymond-Drainville. Plaisir. François Landry, encore une fois. Oui, excuse-moi. Oui. Maxime Bilodeau, qui était avec nous plus tôt dans l'émission. Merci à toi, Jean-Philippe Charbonneau. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous, les requins à la maison, d'avoir été présents toute la semaine et de l'être la semaine prochaine. D'avoir mordu à la son. Lundi à l'émission, on aura un très bon programme, qu'on pourrait dire. Simon Fitzbé sera là pour Simon, l'humeur vous déplaît. On aura Sébastien Dulude avec son historien culturel et puis Alexandra Carignan qui va nous parler de culture. C'est l'émission de lundi à 7h. Sinon, c'est ça, le discours est à 11h, comme toujours, lundi au jeudi. Et puis, moi, je vous retrouve au Palmarès, c'est fou, entre 15h et 18h, avec Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay, c'est cet après-midi. Bon. On suit avec Vélez Pariéter, ceux qui ont fait notre chanson thème, ceux dont vous me demandiez qui c'était. Ouais, j'ai appris ça aujourd'hui. C'est ça. Donc, Vélez Pariéter, on va écouter leur pièce Archipel. C'est là-dessus qu'on se quitte. Passer une excellente fin de journée, une belle fin de semaine. À lundi. À lundi.